dans cette présentation, je vais vous parler de nomadisme, plutôt de nomadisation, et plus précisément de nomadisme pastoral à travers l'exemple des Raïkas, donc une caste pastorale présente au Rajasthan. Pour ces éleveurs, donc, la mobilité, c'est une stratégie d'accès aux ressources, puisque ça leur permet d'avoir accès aux ressources, d'avoir accès à l'eau et au pâturage. Dans un premier temps, je vais faire une présentation un peu rapide des Raïkas et de leur type de mobilité. Et ensuite, je présenterai l'organisation sociale dans les campements. Alors, l'organisation sociale dans les campements, ça permettra de mettre en relief, en fait, tous les rapports sociaux qui sont mis en jeu dans les déplacements, qu'il s'agisse de la hiérarchie, de la division du travail ou des relations à l'intérieur du groupe et à l'extérieur du groupe. À l'extérieur, c'est-à-dire avec les groupes nomades, les autres groupes nomades et aussi avec les sédentaires, c'est-à-dire villageois ou fermiers, toutes les personnes qu'ils croisent sur leur parcours. Donc, les Raïkas, donc c'est un des groupes des plus importants de pasteurs en Inde du Nord. Ils sont présents au Rajasthan, au Gujarat. Ils sont connus sous le nom de Gujarat de Rabari. Ils sont également présents, mais plus marginalement, dans l'Haryana, l'Uttar Pradesh à l'est et au Punjab au nord et au Madhya Pradesh. Bon, il est difficile de les recenser, mais selon différents chercheurs, ou notamment Srivastava, qui a travaillé également sur les Raïkas, il serait 500 000. Aujourd'hui, les Raïkas sont essentiellement des éleveurs de moutons et plus minoritairement des éleveurs de dromadaires. Mais en fait, la mythologie raconte que le premier Raïka a été créé par Shiva pour s'occuper des dromadaires. Donc eux, ils considèrent que la profession traditionnelle de leur caste, c'est l'élevage des dromadaires. Et encore aujourd'hui, on considère que les Raïkas détiennent le savoir-faire sur ce type d'élevage. Même si ils sont dans leur majorité des éleveurs de moutons. On constate également dans cette caste un mouvement depuis 40 ans, c'est-à-dire une migration dans les grandes villes industrielles du sud de l'Inde, comme Bangalore, Madras ou Bombay. Ce mouvement s'accroît en fait avec les nouvelles générations qui ne veulent plus poursuivre le pastoralisme, et ça concerne uniquement des gens qui ne sont jamais passés par le pastoralisme. C'est les nouvelles générations en fait qui, au lieu de suivre la génération, la profession de leur père, vont dans les grandes villes. Donc, les Raïkas sont considérés comme une classe moyenne, ils sont classés comme OBC. Et voilà pour eux. Donc, en ce qui les concerne, je vais donc parler de nomadisation, de déplacements pastoraux. Je ne parlerai pas vraiment de migration, puisque la migration sous-entend une idée de changement durable de résidence principale. Or là, ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas vraiment d'une forme pure de nomadisme, puisqu'ils ont une habitation fixe au Rajasthan, et la totalité du groupe ne se déplace pas. Mais parfois, donc il est difficile de les classer, ce n'est ni une transhumance. Dans leur déplacement, si la totalité du groupe ne se déplace pas, parfois il y a des familles nucléaires entières qui se déplacent aussi. En gros, les déplacements, ces migrations prennent deux formes. Alors elles s'étendent aujourd'hui du Rajasthan au Madhya Pradesh et dans l'Uttar Pradesh. Et elles peuvent prendre deux formes. Donc la première forme, c'est des migrations permanentes, c'est-à-dire des déplacements continuels au Madhya Pradesh. Et ce qui va se passer, c'est que seuls les éleveurs vont revenir régulièrement au Rajasthan, et les troupeaux vont en revanche rester toute l'année, durant plusieurs années, au Madhya Pradesh. La deuxième forme de nomadisation, c'est, elle est saisonnière, elle dure de 8 à 10 mois par an et elles ont lieu en saison sèche, c'est-à-dire après la saison des pluies, et les retours ont lieu juste avant la saison des pluies. Donc on peut dire que le rythme écologique partage l'année en deux. Pendant les pluies, les éleveurs vont rester au village et durant le reste de l'année, ils vont effectuer ces longs déplacements. On peut donc parler d'une double morphologie sociale dans ce cas-là, puisque au Rajasthan, ils vont évoluer sur des territoires connus. Ils vont amener leurs troupeaux aux alentours du village, ils vont vivre dans les maisons et au sein du groupe agnatique. En nomadisation, donc, leur lieu de vie va être sous le signe d'une mobilité permanente, c'est des déplacements quotidiens, ils ne changent pas d'un campement à un autre. Donc ils dorment à la belle étoile, ils vivent, et là ils vont vivre non seulement avec certains membres de leur groupe agnatique, mais ils vont également vivre avec des alliés et des raïkas qui appartiennent à d'autres villages. En plus de cela, il faut ajouter qu'il n'y a pas une séparation stricte entre cet état sédentaire dans les villages et l'état nomade. En fait, les raïkas qui partent en migration, en nomadisation, reviennent ponctuellement au Rajasthan au cours de l'année, dans leur village. Et ceux qui sont sédentaires, enfin ceux qui sont dans les villages, peuvent partir au cours de l'année, à n'importe quel moment, pendant un ou deux mois, partir dans les campements. Donc en fait, l'organisation nomade va jamais être dissociée des villages d'origine. Et il va avoir tout un réseau social qui va se mettre en place pour faire fonctionner aussi non seulement les mouvements de personnes et aussi les nomadisations et ces groupes. Donc une grande majorité de raïkas d'éleveurs de moutons effectuent ces nomadisations. C'est toujours des éleveurs de moutons et ce n'est pas des éleveurs de dromadaires, ni éleveurs de chèvres. En général, la taille peut être un critère, c'est-à-dire une personne qui possède moins de 50 moutons est considérée comme un petit éleveur, donc cet éleveur-là ne va pas partir en migration, en nomadisation. Je dis que je ne veux pas parler de migration, mais tout le temps. Mais en fait, ça va aussi dépendre des conditions écologiques, de la saison des pluies. Si les ressources sont vraiment dérisoires au Rajasthan, un petit éleveur de 50 bêtes ou de 40 bêtes va pouvoir se joindre à un éleveur qui possède 100 ou 150 bêtes. Mais bon, tout ça, je vais le développer un peu plus quand je vais parler en fait de la structure d'un groupe nomade. Donc ce type de nomadisme, en fait, c'est un accroissement du nomadisme. Ça ne correspond pas à un mode de vie traditionnel. Traditionnellement, les éleveurs, les raïkas, vivaient au Rajasthan et faisaient plutôt des transhumances aux alentours du village ou dans les quelques districts autour de leur district à eux. Et en fait, c'est une réponse, ce nomadisme, cet accroissement des nomadisations, c'est une réponse aux réformes économiques qui s'est passées, en particulier les réformes agraires avec l'extension de l'agriculture. C'est une conséquence aussi de la dégradation de l'écologie et également l'augmentation de la population animale qui a conduit à une saturation des pâturages disponibles au Rajasthan. Et donc, ça a poussé les raïkas à nomadiser de plus en plus longtemps et sur de plus grandes distances. Aujourd'hui, ils peuvent faire jusqu'à 2000 à 2500 km par an sur 10 mois, dans les cas où de grandes sécheresses au Rajasthan. Donc, en fait, le nomadisme dont je parle, ce nomadisme pastoral, c'est une sorte de modernisation de l'élevage, puisque ça s'est adapté aux transformations de l'économie indienne. Donc maintenant, je vais parler plus précisément de la constitution d'un groupe migratoire. Et je vais vous décrire un peu comment se passe l'organisation. Donc pour les Raïkas, pour les éleveurs, partir en nomadisation, c'est pour trouver les ressources nécessaires au troupeau. Donc la mobilité est une technique de production dans le sens où la mobilité va permettre au cycle productif de se réaliser. Ils vont partir à la fin de la saison des pluies, donc pour une durée de 8 à 10 mois. Si la saison des pluies a été bonne, ils vont partir après Diwali, ce qui se situe à peu près en octobre-novembre, puisqu'il est de bon augure d'entreprendre des choses après Diwali. Diwali donc peut être une sorte de repère temporel, mais pas toujours. Toujours pareil, en raison de la saison des pluies et donc des ressources, si jamais c'est une période de grande sécheresse, ils n'attendront pas Diwali pour partir. La priorité, c'est les troupeaux, et donc ils peuvent partir en septembre. Lorsqu'ils décident de partir, la date de départ va être plus ou moins approximative. La date finale va être choisie par un brahman qui va déterminer la date en fonction du calendrier lunaire. En plus de cela, selon les Raïkas, il faut éviter de partir un samedi. Et le vendredi est plus favorable au départ vers l'est, le mardi vers l'ouest, et un soir de pleine lune est un moment extrêmement favorable. Donc là, ce que je vous ai mis sur l'écran, c'est le parcours circulaire donc, du groupe que j'ai intégré, qui vivent dans la région de Pali, et qui donc partent de Pali, descendent, passent par Kota, et voilà, ils vont au Madhya Pradesh. Ils y sont jusqu'en mars-avril. Après, il y a une petite partie sur l'Uttar Pradesh, ils vont jusqu'à Agra, où ils vendent leurs bêtes. Et après, ils reviennent rapidement en passant par Jaipur vers dans leur village. Donc, comment se constitue un groupe nomade? Alors, on ne nomadise pas tout seul. On est nomade parce qu'on est intégré à une société nomade ou dans une communauté nomade. Et un éleveur doit s'associer à d'autres éleveurs. Donc, avant de décrire, un groupe nomade va être en fait un groupe nomade est appelé Dang, et parfois aussi Dera, le nom de, mais ça je vais revenir après. C'est l'unité socio-économique d'un groupe nomade. Donc, un groupe nomade en fait est constitué de deux grandes parties, il faut distinguer le jour et la nuit. Durant le jour, un groupe nomade va être scindé en deux parties. Il va avoir des hommes qui conduisent les troupeaux sur les pâturages, c'est-à-dire les pasteurs qui vont s'occuper des moutons seront les plus jeunes en général. Et ensuite, il y a la caravane, donc, qui est constituée de dromadaires ou d'ânes. C'est conduit par des hommes et parfois des femmes lorsqu'il y a des femmes dans un campement, mais pas toujours. Et ceux-là vont se charger d'installer chaque jour le campement et le désinstaller le lendemain matin. Donc, c'est durant la journée, ces deux parties sont toujours... Les troupeaux plus la caravane sont toujours séparés. Ils se séparent le matin tôt vers 10h et ils se rejoignent le soir à la tombée de la nuit. Ils se rejoignent donc au campement. Le groupe est en mouvement tous les jours. Ils peuvent parcourir de 3 à 10 km par jour pour la caravane. La caravane donc peut passer soit sur, euh, en savane, dans la jungle, la steppe aride. Ils peuvent également parcourir la distance sur route. C'est en particulier lorsqu'il y a des champs cultivés à proximité. Donc là, c'est les photos de la caravane. Donc, ça c'est... Et il y a ceux qui restent avec la caravane, c'est les plus anciens. Et ça sera les responsables de ce que j'appellerai des rats tout à l'heure. Donc d'abord, je vais parler du chef d'un groupe nomade. Donc un chef de groupe nomade est en fait désigné avant la migration. On ne va pas se proclamer leader d'un groupe. Ce sont l'ensemble des éleveurs qui décident de partir en migration qui vont désigner un éleveur. Ils vont désigner celui qui semble avoir les meilleures compétences, c'est-à-dire celui qui a une expérience dans les nomadisations, celui qui a du charisme et de l'autorité, celui qui va avoir une capacité relationnelle importante. Il doit vraiment représenter pour les différents éleveurs quelqu'un qui est capable de servir leur intérêt. C'est pour la personne qui est désignée une fonction qui lui donne du prestige et il n'est pas rémunéré. Les fonctions d'un leader sont importantes puisque c'est lui qui va être chargé de choisir la route. Il doit veiller à ce que les hommes, comme les bêtes, ne manquent ni d'eau ni de nourriture. Donc il doit veiller qu'il y ait un puits pas trop loin, qui est des pâturages accessibles. Il possède également un pouvoir représentatif, c'est-à-dire qu'il va être responsable vis-à-vis des autres. Par exemple, si jamais il y a un campement qui se situe sur une zone illégale, ça va être le chef du campement qui va être arrêté et il sera libéré contre paiement d'une amende et l'ensemble des éleveurs paieront l'amende. Chaque groupe est associé au chef, puisque le groupe porte le nom du chef. Et c'est important parce que ça permet ensuite, lorsque l'on veut rejoindre un groupe au cours de l'année, de l'identifier et le rejoindre. Le chef est également connu comme un bon négociateur, puisque c'est lui qui va être chargé de toutes les relations extérieures, et particulièrement celles qui sont problématiques. C'est lui qui va notamment être chargé de gérer tous les conflits avec les villageois et les fermiers. D'une manière générale, l'ensemble des éleveurs font quand même confiance à son pouvoir de persuasion et d'apaisement en cas de conflit violent. Et enfin, le chef est chargé de coordonner toutes les activités marchandes. Donc, en fait, il a une grande connaissance des routes de migration et des réseaux qui existent. Et il connaît en particulier les acheteurs de laine, les tondeurs, les acheteurs de bétail. Il va être l'initiateur du contact et des négociations. Ce n'est pas lui qui va conclure les négociations. Chaque éleveur sera ensuite responsable de son troupeau et de sa vente. Mais c'est lui qui initie, qui organise le déroulement de la migration. Les décisions du leader vont juste se limiter au fonctionnement, tout ce qui concerne le fonctionnement du groupe, de la vie collective. Donc voilà, j'en ai un peu parlé sans en vraiment en parler. Donc je disais, l'unité de nomadisation, c'est le DERA. Donc, c'est-à-dire que les éleveurs ne partent pas individuellement dans un groupe nomade. Ils constituent à l'intérieur d'un groupe nomade une unité de nomadisation, c'est-à-dire ils vont s'asseoir plusieurs éleveurs, 2, 3, 4 éleveurs peuvent s'associer ensemble, c'est plusieurs familles élémentaires qui vont s'associer ensemble, pour former une sorte de foyer solidaire à l'intérieur d'un groupe nomade. Et ils vont fonctionner ensemble durant tout le temps de la migration. Et dans un groupe nomade, il peut avoir de 10 à 20 DERA. Dans la majorité des cas, seuls les chefs de famille partent en migration et les femmes restent de plus en plus souvent au village, mais donc ça peut arriver parfois quand même. notamment lorsque elles ont un enfant en bas âge qui n'est pas encore scolarisé. Il peut s'agir également de la fille d'un des éleveurs ou de la mère. Dans l'ensemble du DERA, tous les éleveurs qui sont propriétaires chacun d'un certain nombre de bêtes vont joindre leur troupeau pour former un troupeau global de 200 à 500 têtes. L'ensemble des bêtes seront marquées avec le même signe, c'est-à-dire qu'on voilà, dans ce DERA, l'ensemble de ces éleveurs vont considérer que ça devient un troupeau collectif. Un troupeau collectif généré par trois éleveurs individuels. Alors, dans le DERA, les hommes et les femmes vont se partager, les hommes ou les femmes, s'il y en a, vont se partager les tâches. Donc, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir des bergers qui vont conduire les troupeaux, et ensuite il va y avoir les hommes et les femmes qui vont se charger de la caravane. Dans les membres de ce foyer collectif, les liens de parenté sont proches. Donc il peut s'agir de frères, de pères avec ses fils, d'oncles, de neveux. Les relations de parenté, en fait, vont faciliter la coopération et vont être donc liées au rapport de production. Le DERA donc, va être un foyer. Alors ça, c'est des jeunes filles qui étaient à chaque DERA. Enfin, il y en a à chaque fois, c'est une qui sont présentes à chaque DERA. Le DERA est un foyer domestique aussi, où les hommes viennent se ravitailler. Là, c'est un DERA. Voilà, par exemple. Ça, c'est la structure physique du DERA. Il y a le père, la mère et la fille. Et d'autres hommes sont inclus dans le DERA, mais... c'est la structure physique du DERA. Donc c'est une unité familiale. C'est pas une unité familiale. C'est là, dans ce cas-là, il y a une famille, mais en fait, le DERA, c'est une association de plusieurs familles nucléaires. Et en général, il peut avoir, par exemple, que 3 hommes, ou 4 hommes, ou 5 hommes. Là, ici, il y a une femme qui est venue, parce que la femme va se charger de faire la cuisine. Mais les autres hommes qui sont présents dans ce DERA ne sont pas venus avec leur femme. Une seule femme est nécessaire dans le DERA, puisque c'est un seul foyer. Et son mari est lui parti avec le pasteur Donc lui, elle est présente parce que son mari est là. Donc lui, il est là, lui, il est... Il s'occupe de la caravane, il n'est pas forcément... Il peut s'occuper de la caravane, mais ça peut être, par exemple, ça peut être les frères de son mari. Donc... ça peut être un oncle. De toute façon, elle va être forcément dans sa belle famille, donc elle va être protégée. Puis elle reste avec l'ensemble des autres femmes. C'est quand même... Le campement est un lieu relativement sûr. Donc ça, c'est un DERA. Donc c'est l'unité de nomadisation. Donc on voit que ce n'est pas une tente. Ils n'ont pas de tente. Donc là, par exemple, là, c'est un autre DERA. Là, c'est la fille d'un des éleveurs. Et là, il y a trois éleveurs qui font partie de ce DERA. Et là, il n'y a pas d'autres femmes, il n'y a pas d'autres enfants que cette jeune fille qui fait la cuisine. Donc c'est entre trois, jamais plus de 10 personnes, un DERA. Un DERA, c'est entre 3 et 5 personnes. 3 et 5 personnes. Voilà. Un DERA, c'est 3 et 5 personnes. Et il y a en moyenne entre 10 et 20 DERA dans un groupe. Et voilà, moins de 10, il n'y a pas assez de personnes dans un groupe nomade pour assurer la sécurité dans un campement. Et plus de 20 DERA, c'est trop important il y a trop de bêtes. Et donc c'est ingérable pour traverser les régions. Donc les Raïkas n'ont pas de tente. Mais comme il y a parfois quelques pluies, ils possèdent des bâches étanches. Donc là, ça c'était à la suite d'une averse la nuit. Donc ils recouvrent avec la bâche étanche les affaires, pour les protègent. Voilà. Et... Donc, le campement grossièrement peut être constitué comme peut être vu comme un cercle. Donc il est constitué entre 10 et 20 deras. Dans le groupe que j'ai intégré, il y en avait 14. Il y avait 14 deras. Et ce qui correspondait à peu près à 5000 moutons, il y avait une vingtaine de dromadaires et dix ânes. Ça correspondait au nombre de personnes à 50 hommes et 10 femmes. Ou jeunes femmes, pas forcément femmes mariées. Donc l'ensemble des deras ont des relations de parenté plus ou moins proches, puisqu'on ne part qu'avec des personnes que l'on connaît. C'est-à-dire, alors, il peut s'agir soit des personnes du propre groupe agnatique, soit des alliés, soit encore des amis, mais qui sont reliés d'une manière ou d'une autre dans une relation de parenté. Donc la première préférence, quand ils partent ensemble, quand les éleveurs décident de constituer un groupe, quand ils partent ensemble, la première préférence, notamment pour constituer un déra, ça va être la famille proche. Après, il peut s'agir de la famille étendue ou de la belle famille. Après, l'autre critère sera d'être un membre de la communauté Raïka. Et il peut arriver également qu'il puisse s'agir d'une autre caste, comme les Jat ou les Gujars, qui font alors partie du même village, qui élèvent des moutons et donc qu'ils côtoient au quotidien déjà dans les villages. Évidemment, ces préférences ne sont pas exclusives l'une des autres. En fonction des opportunités de chacun, on peut avoir des deras où les membres appartiennent à la même famille, ça doit être que des frères, et on peut avoir des deras différents qui appartiennent à des villages, par exemple, différents. Donc, le dera peut être décrit grossièrement comme un cercle, c'est-à-dire qu'il y a un centre et une périphérie. Donc, les petits rectangles, c'est ce que j'ai représenté par des deras. Les deras du milieu qui forment c'est les deras qui sont constitués de femmes. Les deras où il y a des femmes ou des jeunes filles sont au centre du campement. Alors que les deras où il n'y a pas de femmes sont à l'extérieur du campement. La proximité des deras, en fait, varie en fonction de leur relation de parenté. Plus ils sont proches géographiquement, plus ils sont proches au niveau de la parenté. Ça ne veut pas dire que les relations de parenté dominent les relations à l'intérieur d'un groupe nomade, puisqu'un leader va être choisi en fonction de ses compétences. Et donc un leader va être le chef de tous les membres, mais il peut être le chef également d'un allié, d'un preneur ou d'un donneur d'épouse. Et un chef n'est jamais choisi en fonction de son statut dans la parenté. Pour les éleveurs, l'espace de vie, le campement est un espace de vie, il doit être réservé, protégé. Et les étrangers, et notamment les villageois ou les fermiers des régions qui traversent, ne sont pas vraiment autorisés à y pénétrer. Et d'ailleurs, les villageois ou les fermiers qui venaient aux abords du campement ne s'aventuraient jamais à l'intérieur du campement, sont toujours restés à l'extérieur. Donc même pour les gens voilà, des régions qui appartiennent aux régions qu'ils traversent, considèrent que ce territoire temporaire, il y a comme une appropriation de l'espace par les éleveurs. Globalement, pour essayer de décrire un peu le déroulement d'un déplacement d'un groupe nomade, je vais commencer par le matin. Donc le matin, j'irai vers 8-10 heures, les éleveurs et les troupeaux partent pour la journée, pour rejoindre jusqu'au soir, ils ne rejoindront le prochain campement qu'au soir. La caravane qui est beaucoup plus rapide que les moutons va partir un peu plus de une heure, deux heures après, en fin de matinée ou en début d'après-midi, si jamais il n'y a pas beaucoup de kilomètres à parcourir. Le départ de la caravane dépend en fait de la proximité ou non du campement, s'il faut une heure ou s'il faut trois heures ou quatre heures. Pour transporter les affaires, ils utilisent des dromadaires. Donc les dromadaires vont transporter dans de grandes bâches tout l'équipement nécessaire, c'est-à-dire les ustensiles pour cuisiner, les vêtements de rechange, la nourriture, ça va être la farine, l'huile, le sucre, le thé, des légumes verts parfois, les épices, etc. Les couvertures et les châles, vraiment très importants pour la nuit et le froid. Et ils transportent également des petits lits. Ça c'est les photos que je présente là. Alors là, on voit les petits lits, mais on ne les voit pas. Là, c'est la caravane qui est en mouvement. Donc, en général, la caravane, elle part pour de 1 à 3 heures, mais elle ne va jamais s'arrêter, sauf pour des points d'eau. Points d'eau pour les bêtes ou pour les hommes. Alors, quand ils s'arrêtent, comme tout est chargé sur les dromadaires, ils utilisent le turban pour puiser un peu d'eau. Donc là, ils utilisent son turban. Et vous allez voir les petits récipients de fortune qu'ils utilisent, voilà, pour remplir les bouteilles en plastique qu'on voit un peu après. Puisque tout est sur les dromadaires, ils ne peuvent pas utiliser ni de seau ni de ce qu'ils utilisent normalement pour puiser l'eau. Donc je voulais vous faire voir les petits lits. Donc les petits lits, c'est pas des lits où ils dorment, enfin les femmes peuvent dormir dessus, c'est des lits qui mesurent à peu près 1 mètre sur 50 cm. Et en fait, ça c'est les grandes bâches dans lesquelles ils mettent les affaires. Oui, mais il y en a un qu'ils sont en train de fabriquer en migration. Ah, voilà. Je l'ai trouvé. Donc, ces petits lits, c'est donc ça environ 1 mètre sur 50 cm. C'est pour protéger la nourriture de l'humidité. Donc, c'est pas pour y dormir, puisque les hommes dormiront par terre. Les femmes, elles vont pouvoir dormir dessus, mais elles ne dorment. En fait, le matelas est constitué par tous les sacs de nourriture, de vêtements. Les lits, c'est pour protéger l'humidité. Et ils en ont en général un ou deux. Donc, en dehors des biens matériels, ils transportent également les petits agneaux qui ne sont pas encore en âge de faire quelques kilomètres par jour. Donc là, c'est des agneaux de quelques jours. Dès qu'ils pourront marcher, ils vont constituer un troupeau pour les petits agneaux. Et les dromadaires transportent également les enfants qui ne sont pas en âge aussi de marcher sur 1 ou 2 heures, 3 heures. Donc voilà, ils sont attachés derrière la charge du dromadaire. Donc, d'une manière générale, les éleveurs préfèrent transporter leur équipement ou leurs enfants ou leurs agneaux par les dromadaires, mais il arrive qu'ils utilisent des ânes parce que ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte 10 fois moins cher qu'un dromadaire. Et notamment ceux qui ont commencé des nomadisations récemment et qui n'ont pas les moyens d'acheter un dromadaire, ils commencent par des ânes. Mais c'est absolument pas prestigieux. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils vont acheter des dromadaires, puisque le prestige des dromadaires est grand, notamment parce que ben voilà, ça fait partie de leur profession traditionnelle, puisque c'est le premier Aïka qui a été créé par Shiva pour s'occuper des dromadaires. Donc, ça, c'est les ânes. Donc, cette mobilité quotidienne implique de toute façon une logistique minimale. Ils transportent le strict nécessaire, puisque d'autres biens supplémentaires ralentiraient leur activité. Et cela est possible car ils peuvent se réapprovisionner en cours de parcours. Dans les villages, ils vont se réapprovisionner en denrées alimentaires, c'est-à-dire en farine, huile, sucre. Aux alentours du campement, dans la steppe, ils vont trouver le bois et l'eau pour cuisiner. Et ensuite, il y aura également des vendeurs ambulants qui vont fournir des médicaments pour les bêtes. Et ils auront également la possibilité, même s'ils sont loin, de se déplacer dans des hôpitaux en cas de maladie grave. Donc, dans cette organisation au niveau culture matérielle, je dirais, le luxe n'a pas de place dans les déplacements. Chaque objet possédé doit correspondre à un besoin vital. Donc, ça veut dire les vêtements, les couvertures, ça va être nécessaire pour se couvrir, les ustensiles pour cuisiner, etc. Une consommation ostentatoire ne peut pas exister dans les campements parce que c'est une consommation compétitive qui induirait une compétition entre des rats. Or, il est essentiel que pour qu'il y ait une bonne entente entre groupes, qu'il y ait une uniformité de la consommation entre les différents des rats. Et ça ne correspond pas à cette uniformisation de biens ou de consommation. Même dans les repas, ils ont toujours à peu près les mêmes repas. Et ça ne correspond pas à un niveau de pauvreté, puisqu'il peut y avoir des éleveurs riches ou des éleveurs plus pauvres. C'est vraiment en relation avec l'activité pastorale et la vie de groupe. Donc maintenant, je vais parler un peu de la division des activités entre hommes et femmes. Donc les femmes, elles vont être concentrées essentiellement au foyer. Elles se chargent de toutes les tâches domestiques. Donc elles vont se charger d'installer le drap. Elles vont installer les petits lits. Elles vont mettre donc sur les petits lits, elles vont mettre tous les sacs de nourriture. Sur le côté, elles vont mettre toutes les couvertures toutes les couvertures et les matelas qui servent à dormir. Elles vont installer leur coin cuisine, c'est-à-dire devant les petits lits, elles installent une petite bâche, un petit tapis où elles vont s'asseoir pour faire la cuisine. Ensuite, elles sont chargées de trouver du bois. Voilà. Donc pareil pour faire la cuisine. Et comme dans ces régions-là, le bois est épineux, donc elles cassent avec un bâton pour faire des sarments. Elles cassent le bois avec un bâton pour faire des sarments. Voilà. Si jamais elles ne trouvent pas de bois, elles peuvent utiliser de la bouse de vache si elles en trouvent, ou alors de dromadaire. Mais en général, elles préfèrent le bois, en particulier pour les galettes de blé, parce que le feu est plus vif. Ensuite, donc voilà, là c'est différent des rats qui sont à côté. qu'on voit. Hop. Ensuite, elles doivent aller chercher de l'eau. Alors là, il y a deux possibilités. Soit elles vont juste chercher de l'eau, soit elles vont en profiter pour soit faire leur toilette, soit laver des vêtements. Alors, ça va dépendre essentiellement de l'éloignement par rapport au campement, du point d'eau, et par rapport aux zones habitées, l'éloignement par rapport aux zones habitées par les sédentaires. Ça dépend aussi donc du type de point d'eau, c'est-à-dire s'il s'agit d'une rivière, s'il s'agit d'un puits à pompe manuelle ou électrique, et donc de la distance du point d'eau. Si elles vont chercher juste de l'eau, en général, elles vont passer l'après-midi, puisque la caravane arrive tôt au prochain campement. Elles restent au campement et voilà, elles se reposent, elles discutent à l'ombre. Les femmes peuvent, là, elles font un nouveau petit matelas pour dormir. Et lorsqu'il y a une rivière, elle s'éloigne du campement. Donc parfois, selon certains jours, ça peut durer, ça peut être de 1 à 3 km. 3 km, en général, si c'est trop loin, elles ne vont pas faire ni leur toilette, ni laver des vêtements, parce que ça représente un danger d'être aussi éloigné aussi longtemps du campement. Donc des hommes qui sont censés être là pour les protéger. Donc c'est pour ça aussi qu'elles partent toujours ensemble, elles font toutes ces tâches. L'eau, c'est une activité collective. Voilà, donc là elles partent au point d'eau. Au point d'eau, elles remplissent chacune donc toutes leurs récipients, ce qui représente environ 40 litres d'eau. Donc, lorsqu'il n'y a pas de pompe électrique, elles utilisent un seau et une corde qui appartiennent à l'une d'entre elles et qu'elles utilisent collectivement. Une puise et les autres derrière remplissent les seaux. Voilà. Donc là, c'est ensemble qu'elles remplissent leur peau. En général, voilà, là par exemple, c'est une rivière. Alors là, une rivière, c'est toujours une aubaine sur un parcours, parce que ça leur permet de laver voilà, des châles, des choses qu'elles ne lavent pas vraiment très souvent. Parce que là, ça leur demande aucun effort physique pour remplir les peaux. D'une manière générale, le moment où elles vont au point d'eau, quand elles sont ensemble, donc il n'y a plus d'hommes. C'est vraiment un moment de détente, puisque au campement, il y a toujours un moment de réserve. En particulier, elles sont toujours sur leur réserve, puisqu'elles sont, les femmes mariées, elles sont avec leur mari. Donc, elles sont dans le groupe allié. Donc, elles ne sont jamais vraiment très détendues, et elles parlent toujours à visage couvert. Donc là, elles cèdent pour mettre les peaux les uns au-dessus des autres pour revenir au campement. Parfois aussi, elles goûtent l'eau quand il y a des puits. En raison des problèmes d'infiltration, de la salinité, il leur arrive de goûter l'eau pour voir si l'eau est potable ou non. Ou alors elle demande à des villageois pour être sûr de la qualité de l'eau et éviter l'empoisonnement. Là, c'est un homme qui aide les femmes, parce que voilà, la difficulté, c'est de mettre l'ensemble des peaux sur la tête et de les sortir. Donc là, c'est un homme qui vient les aider pour sortir les premiers peaux et descendre. Donc bien sûr, leur fonction sinon principale dans le campement, ça va être de faire la cuisine. Donc matin et soir, le midi, non, jamais. Elles peuvent manger les restes de galettes faites le matin. Mais en général, les hommes ne mangent pas le midi. Donc, elles ne font une cuisine que le matin et le soir. Voilà. Donc essentiellement leur alimentation, donc c'est galettes et quelques légumes dans une assiette. Ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles s'occupent des agneaux qui restent au campement, qui ne partent pas avec les troupeaux durant la journée. Donc maintenant l'activité des hommes. Donc quand il n'y a pas de femmes, ben, ce sont les hommes qui cuisinent, qui remplissent exactement les tâches que j'ai décrites pour les femmes. Ils vont chercher l'eau aussi. Mais pas en même temps. Non, quand il n'y a pas de femme. Oui. Quand il n'y a pas de femme. Ah oui, non, non, une femme ne s'occupe que de son dérat, elle ne s'occupe pas des autres. Même quand dans les dérats où il n'y a pas de femme, c'est les hommes qui, c'est les hommes qui sont occupés. Ils ne vont pas au même moment, non. Ils peuvent, même un homme peut chercher un deuxième point à un dos. Donc, voilà. Donc ça, c'est les hommes qui se font la cuisine. Donc au campement, c'est assez détendu pour les hommes, notamment bah, quand ce sont des dérats où il y a une femme. Eux n'ont rien à faire d'autre chose que de s'occuper de fumer le shilom. Voilà. Ils boivent, donc ils se reposent aussi. Et ils se font du thé. Alors le thé, chez les hommes, c'est quotidien l'après-midi, mais pas forcément chez les femmes, parce que c'est considéré comme un luxe, et donc que les hommes y ont droit tous les après-midi. Et si les femmes ne sont pas au campement, en fait, quand elles vont se laver, prendre leur moment de détente, ben, c'est à ce moment-là qu'ils vont boire le thé. Si elles sont là, ils vont leur demander de préparer le thé pour eux. Donc à ce moment-là, eux, elles auront droit au thé. Donc là, ça c'est le chef avec mes lunettes. Donc en général, ils consomment le lait qu'ils consomment, c'est pas du tout du lait de brebis, puisque les pâturages sont très pauvres et ils ont besoin du lait de brebis pour les agneaux. Donc ils considèrent que tout le lait de brebis doit être réservé aux agneaux. Donc c'est pour ça qu'ils ont dans leur troupeau, ils ont toujours quelques chèvres qui vont être en fait utilisées pour la consommation quotidienne de lait. Et... c'est pas une chèvre. Oui. Non, non. j'y arrive trop vite, ça l'a fait. Et de temps en temps, ceux qui ont des chamelles, donc, boivent du lait de chamelle. Et ce lait-là, par contre, c'est... Donc, le lait de chèvre est utilisé pour le thé, mais le lait de chamelle n'est pas utilisé pour le thé. Il est utilisé comme complément alimentaire. Il n'est jamais réchauffé, il est vu frais, parce qu'il considère que toutes les propriétés bénéfiques du lait de chamelle disparaissent à la cuisson. Et c'est toujours un homme qui traite la chamelle, c'est jamais les femmes. Alors qu'il peut arriver qu'une femme traite une chèvre ou une brebis. Ensuite, l'autre fonction des hommes, c'est surtout la nuit. C'est-à-dire que lorsque les moutons arrivent le soir, tout le monde va être rassemblé au centre du campement. Donc tous les moutons, tous les troupeaux qui étaient partis dans la journée vont être au centre du campement. Donc au centre, il va y avoir les femmes, donc qui vont dormir au milieu des moutons. Et les hommes vont s'installer à la périphérie. Alors, il y a certains hommes qui sont déjà installés puisqu'ils ont leur dérat à la périphérie. Et d'autres hommes vont aller aussi à la périphérie. Ceux qui appartiennent, en fait, au dérat du milieu. Et ils vont s'installer à la périphérie. Et ils vont ainsi constituer, en fait, des points de garde. Et tout au long de la nuit, dans chaque dérat, il y aura un homme réveillé pour surveiller le campement. Ils appellent ça le Gouti Goumana, Goumano même. C'est-à-dire, c'est une technique qui consiste à faire passer un bâton. Donc l'homme qui est réveillé fait passer, par exemple, celui qui est au point de garde 1, il va faire passer son bâton au numéro 2, et ça leur permet de surveiller en fait l'ensemble des points de garde et de vérifier que chaque homme est réveillé. Ça, toute la nuit, le bâton. Toute la nuit. Et à peu près, tour de garde, c'est 2 heures. Et voilà. Et donc. Au bout de combien de temps il se passe le bâton ? Oui, il garde le bâton un certain temps. Il garde le bâton un certain temps, puis après il donne. C'est pour vérifier que le suivant est toujours réveillé, donc il n'est pas forcément au courant. Bon, ce qui arrive des fois, c'est que des fois, en fait, ils n'utilisent pas le bâton et ils se contentent de s'appeler. Et l'autre doit répondre. L'idée, c'est qu'il y ait toujours du mouvement durant la nuit pour effrayer les voleurs. Les ragas disent que tant qu'il y a du bruit, il n'y a pas de voleurs qui viennent. Il n'y a pas de voleurs qui s'approchent. Les gardiens aussi, en fait, en Inde aussi, au Népal, ils font du bruit la nuit. Pour être sûr que... Donc ça, c'est les points de garde. Ensuite, leur autre activité aux hommes, c'est donc le soin au troupeau. Donc ça a lieu le matin, avant le départ pour un autre campement. Donc comme je disais, chaque éleveur est responsable individuellement de son troupeau. Chaque déra va être responsable individuellement de ce troupeau collectif. Donc ils sont responsables de la santé de leur bête. Mais en fait, cette responsabilité individuelle elle est relative, puisque comme les bêtes restent ensemble toute la nuit, un éleveur ne peut pas traiter des bêtes sans que les autres traitent ses bêtes aussi, puisque sinon elles seraient infestées immédiatement par les autres bêtes malades qui sont non traitées. Donc en fait, quand l'un décide de traiter ses bêtes, les autres traitent leurs bêtes aussi. Donc les soins sont réguliers, d'autant plus qu'ils sont ils sont dans des conditions assez faibles. Alors déjà, la mobilité fragilise les bêtes. Ensuite, s'ajoute la malnutrition, le manque de vitamines ou l'eau qui est rare et sale. Donc, ils vont traiter les bêtes avec différents types de médecine. Alors, des fois, c'est de la médecine moderne. Alors, il y a un traitement antiparasitaire et un traitement antibiotique qui sont faits tous les mois, en fonction de l'état du troupeau. Alors pour cela, ils utilisent de petites bouteilles, ils font un mélange, ils utilisent de petites bouteilles et individuellement, ils donnent la potion aux bêtes. Donc là, voilà, là on en voit un. Donc ils mettent les bêtes entre leurs jambes et puis ils font boire les bêtes avec voilà, la petite bouteille que l'on voit ici. Sinon, ils utilisent d'autres traitements plus traditionnels. Pour pallier le manque de minéraux, ils peuvent donner du sel. Ils peuvent donner du sel aux bêtes. Pour relancer l'appétit, parce que pour eux, en fait, une bête malade, il y a deux signes qui permettent de voir qu'une bête est malade. C'est d'une part, les bêtes arrêtent de manger. Et d'autre part, la nuit, il y a... les bêtes éternuent, il y a de la morve qui tombe. Après, ça, c'est un symptôme qui disparaît durant la journée. Mais voilà, ces deux critères-là, c'est les deux critères d'une maladie du troupeau. Donc, pour relancer l'appétit, il y a différents traitements. Alors, c'est des mélanges à base d'eau, de curcuma et de thé noir. Pour des problèmes digestifs, ça va être des mélanges d'eau chaude, de sucre et de citron macéré. Ou parfois d'eau et de beurre de ghee, de beurre clarifié. Ils s'occupent également... Le fer rouge est largement utilisé également dans les campements. Ils considèrent que quand ils brûlent une bête, les bactéries se concentrent sur la partie brûlée et donc elles vont être brûlées. Et... Donc, ça peut être utilisé sur les bêtes malades et également sur les à titre préventif, là, c'est fait sur un agneau, c'est pour rendre les bêtes plus fortes. Donc, il s'occupe des agneaux et il veille toujours à l'allaitement, matin et soir, puisque durant la journée, les agneaux sont séparés des brebis, puisque les agneaux vont être jusqu'à deux mois, les agneaux vont être séparés de leur mère, puisqu'ils n'ont pas la force de parcourir tous ces kilomètres. Donc quand ils ont quelques jours, ils sont sur le dromadaire, et quand jusqu'à deux mois, ils vont être dans un troupeau de jeunes moutons, je dirais. Voilà. Et eux, ils vont faire le parcours, ils vont suivre la caravane très lentement. Mais voilà, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de brouter eux-mêmes. Donc du coup, eux, les éleveurs, sont chargés de veiller à l'allaitement matin et soir. Voilà. Ça, c'est... Et parfois, ils peuvent utiliser également une chèvre. Si une brebis n'a pas assez d'eau, ils utilisent une chèvre pour allaiter un agneau. Là, chacun s'occupe de son propre troupeau. Là, c'est le DERA qui va s'occuper de ce troupeau collectif. Mais chaque homme peut soigner le mouton de sa femme, ou il soigne que ses enfants. De son DERA. C'est-à-dire, c'est le DERA, ça va être une unité collective. Pas forcément apparentée. Voilà, et le DERA, il n'y a qu'un signe par DERA, donc ça fait partie, le temps de la migration, ça fait partie, c'est une sorte de propriété collective. Ouais, et après, quand ils reviennent au village, chacun reprend ses moutons. Voilà, chacun reprend ses moutons. Et au niveau de la traite des chèvres, c'est collectif. La traite des chèvres... La traite des brebis, elles ne sont pas traites, donc on garde le lait pour les agneaux. Mais ils n'en ont pas beaucoup, ils en ont par troupeau de 50 bêtes, ils en ont quoi? Ils en ont 2, 3. Ah, donc c'est vraiment juste pour le lait. Et quand ils en ont plus, déjà, ce n'est pas des éleveurs de chèvres, donc ils ont, déjà au Rajasthan, ils n'en ont pas beaucoup. Et s'ils en ont, donc ils en prennent 2 ou 3 pour la migration. Et ils en laissent 2 ou 3, le reste au village. Puisque les femmes sont là-bas, elles peuvent s'en occuper, elles ont besoin de lait. Voilà. Donc, d'une manière générale, ça se passe donc toujours comme ça. Les hommes partent, la caravane, les troupeaux partent, la caravane part 1 ou 2 heures après, il y a de nouveau... nouveau campement, les troupeaux arrivent le soir, le matin ils surveillent leurs bêtes, ils regardent et ils repartent une journée. Parfois il y a des fêtes, là c'était Diwali, donc le programme quotidien n'a pas été changé. La seule chose qui a changé, ça a été l'organisation du repas, donc du matin et du soir, où les femmes ont préparé le repas ensemble. Et elles se sont mises au milieu du campement et elles ont préparé pour l'ensemble du groupe. Elles ont préparé un repas. Donc là, elles préparent le repas ensemble, ce qui ne se fait jamais. Mais sinon, en dehors de ça, rien n'a été fait de plus pour Diwali. Donc maintenant, je vais parler rapidement des relations avec autrui et sur le territoire d'autrui. Donc pour eux, partir sur des pâturages éloignés, ça représente un danger et c'est toujours source de conflits. Donc il y a 3 types de conflits. Le conflit le plus fréquent, c'est le conflit avec les fermiers. Même si les Raïkas peuvent s'entendre avec des fermiers dans la mesure où que traditionnellement il y avait un arrangement, puisque un fermier pouvait être intéressé par la venue d'un groupe de 5000 bêtes, puisque ça permettait de fertiliser durant la nuit le champ. Mais en fait, cet arrangement, et puis eux, ça les arrangeait aussi, puisqu'aller dans un champ, ça permettait de profiter du reste des récoltes. Mais cet arrangement traditionnel a de moins en moins lieu, et les conflits sont de plus en plus fréquents, voire même, selon la police, c'est parfois meurtrier. en particulier sur les villageois qui ont quelques bêtes et qui ne veulent pas voir tous ces groupes se succéder sur leur terre. Donc il y a le conflit avec les fermiers. Ensuite, l'autre conflit, c'est le problème qu'ils ont avec les voleurs et les daïkotes. Daïkotes. Donc il y a une bande d'armée. Donc les simples voleurs donc, sont non armés et se contentent de voler quelques bêtes. En général, ils agissent de nuit avec des frondes où ils lancent des pierres pour affoler les troupeaux et obliger donc, tout ce groupe, tout l'ensemble du troupeau qui a été rassemblé pour l'obliger à partir. Alors parfois, quand ça arrivait, il y avait comme, c'est comme une grande vague où toutes les bêtes partent d'un coup. Mais en général, ça ne représente pas vraiment un danger pour les hommes et pour les femmes que pour les autres. C'est plus problématique puisque ces bandes armées viennent les rançonner et il y est arrivé que des femmes aient été kidnappées et qu'ils aient dû, eux, verser 100 000 roupies pour que la personne soit restituée. Il est arrivé aussi que des personnes soient mortes ou assassinées dans des affrontements avec ces bandes-là. Et pour eux, c'est vraiment une raison d'abandonner les nomadisations, tous ces déplacements. Et c'est pour eux un phénomène en croissance. C'est les attaques dans les groupes, les vols et les attaques sont de plus en plus fréquentes. L'autre problème qui se passe, c'est lié au passage du territoire, c'est-à-dire du Rajasthan au Madhya Pradesh. L'état du Madhya Pradesh, par exemple, en 2002-2003, donc quand les éleveurs passent d'un état à un autre, ils doivent payer des taxes. De 2002 à 2003, le Madhya Pradesh ne voulait pas que les éleveurs du Rajasthan viennent sur le territoire du Madhya Pradesh. Donc, ils ont augmenté les taxes. Donc, les taxes sont passées de 8 à 40 roupies par mouton et de 50 à 200 roupies par dromadaire. Donc, évidemment, comme les taxes étaient trop importantes, les éleveurs ne les ont pas payées, mais ils sont quand même rentrés au Madhya Pradesh. Donc, quand ils sont rentrés au Madhya Pradesh, en fait, il y a eu énormément d'associations d'éleveurs. Il y a le chief minister du Rajasthan qui est intervenu auprès du chief minister du Madhya Pradesh. Il y a eu ils ont fait appel à la cour d'appel pour obliger le gouvernement du Madhya Pradesh pour demander au Madhya Pradesh de baisser les taxes. Et effectivement, ça s'est passé. Le Madhya Pradesh a rebaissé ses taxes au mois de février. Mais eux, ils étaient déjà rentrés au Madhya Pradesh depuis le mois de octobre novembre. Donc, c'est fait qu'ils ont été pendant 4 mois en situation d'illégalité. Et pendant 4 mois, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des forestiers ou des policiers qui venaient au campement, qui arrêtaient le chef du groupe, puisqu'il représente le groupe. Le chef était amené... Alors, plusieurs, comme les groupes sont toujours... sont jamais très très, enfin ils sont pas très loin, ils sont toujours dans la même région. Plusieurs groupes étaient arrêtés en même temps. Ils étaient amenés dans une maison d'un des policiers. Et donc il y avait toute une transaction qui se passait la nuit. Et finalement, chaque chef nomade devait payer une amende, qui était en fait un pot de vin, pour pouvoir repartir dans son groupe. Et l'amende, elle se situait à peu près à 5000 roupies. 5000 roupies, donc pour un groupe, mais à partager avec l'ensemble des déras. Donc ça revenait à moins de 500 roupies par déras. Donc finalement, par rapport à la taxe, c'était beaucoup moins. Sauf que comme ils étaient toujours en situation d'illégalité, ils étaient arrêtés. Le jour X, et puis 15 jours après, c'était un autre policier qui les arrêtait, et puis donc tout ça fait que pour eux, le territoire des autres, c'est source de danger, les autres, c'est. C'est source de danger, on peut faire confiance à personne. Il y a une méfiance contre tout étranger. Il existe une sorte de suspicion générale envers toute personne qui n'est pas Raïka. Donc, très rapidement, je vais parler du réseau nomade. Donc, si un individu ne nomadise pas seul, un groupe ne nomadise pas seul non plus. C'est-à-dire que être sur le territoire d'autrui représente un danger, un risque. Et donc, l'ensemble de cet espace doit faire l'objet d'une appropriation. Et pour cette appropriation, il va avoir la constitution d'un réseau qui va faire circuler toutes les informations nécessaires au déroulement de ces migrations, parfois très difficiles. Donc, chaque groupe va être incorporé dans un ensemble de relations qui peuvent être liées. Ce réseau va être lié à la fois au village, au Rajasthan, et à la fois avec les autres groupes nomades, et aussi parfois, quelquefois, avec des Raïkas ou des gens qui habitent dans ces régions-là. Mais essentiellement, le réseau fonctionne sur campement, village et entre groupes nomades. Alors d'abord, il y a énormément d'allers-retours entre le groupe nomade et le village. Donc les hommes peuvent revenir à certaines occasions dans leur village, c'est-à-dire lors d'un mariage ou d'un décès, ou en cas d'une maladie ou d'un conflit, ou s'ils ont plus d'argent. Par exemple, les problèmes des taxes au Madhya Pradesh ont fait qu'ils ont été à court d'argent assez rapidement, donc il leur a fallu retourner au Rajasthan pour avoir de l'argent. Donc ils vont partir chacun à tour de rôle, parfois pour quelques jours, parfois pour quelques semaines. Et il n'y a pas de calendrier déterminé, c'est le leader qui va décider. Et ils vont partir en général qu'une seule fois, parce qu'il faut quand même des hommes au Rajasthan, dans les campements, pour surveiller, pour la surveillance, pour la sécurité. Si un homme ne revient pas au campement, c'est un autre qui doit le remplacer. Donc globalement, durant la nomadisation, il y aura toujours le même nombre d'hommes en moyenne, mais ce n'est pas forcément les mêmes. C'est qu'individuellement, un homme ne fait pas forcément la totalité de la nomadisation. Ces allées-venues sont faites uniquement par les hommes, pas par les femmes, qui, elles, restent au campement tout le temps. Elles restent tout le temps au campement, et quand elles partent pour les villages, c'est définitivement en février-mars, quand les hommes considèrent entrer dans des zones hostiles, avec présence de bandes armées ou de voleurs, et ils ramènent les femmes au Rajasthan. Elles ne se déplacent jamais toutes seules. Donc les hommes partent dans les villages, des hommes des villages repartent dans les campements. Pour trouver les campements, donc c'est la ville qui va être le point de contact essentiel, le lieu de contact. Donc en fait, quand un homme cherche à rejoindre un campement, il faut qu'il attende soit des nouvelles, soit il faut qu'il attende qu'un homme revienne d'un campement, soit qu'un autre homme d'un autre campement soit revenu dans un autre village et qu'il ait connaissance. Enfin, quoi qu'il arrive, il faut qu'il connaisse la ville la plus proche du campement. Donc, la plus proche, ça ne veut pas dire que c'est la ville où se situe le campement, puisque le campement n'est jamais dans une ville ou dans un petit village, ils sont toujours un peu à l'écart. Donc, les renseignements qu'il a, c'est toujours des informations approximatives vagues, donc la ville va être un point de repère, mais ce n'est jamais un lieu fixe. Donc la ville, c'est un point de repère, même s'il a comme information la ville la plus proche, c'est toujours une information approximative, puisque entre le moment où il reçoit l'information et le moment où il va arriver dans la région, ça prend plusieurs jours. ça prend plusieurs jours de voyage pour lui de se déplacer. Il se déplace en bus. Mais pendant ces plusieurs jours, le campement, il a pu, en fonction des plus ou moins des difficultés ou des facilités, il a pu se déplacer plus ou moins vite et être dans un endroit plus ou moins précis. Donc, c'est tout. Un homme qui part seul dans un campement doit être habitué aux migrations, aux nomadisations, ou alors partir avec quelqu'un de plus ou moins habitué. Donc la ville va être le point de repère, et la ville est aussi un point de contact important pour les Raïkas. C'est-à-dire que quand ils vont en ville, donc non seulement ça leur permet de prendre contact avec le Rajasthan en allant dans les STD, les cabines téléphoniques, pour prendre contact, et donc échanger des informations avec le village, autant sur des informations sur ce qui se passe dans le groupe, sur ce qu'ils connaissent des autres groupes, des bergers qu'ils ont pu rencontrer durant la journée, que sur les informations ou l'état de santé dû au Rajasthan, ce qui est arrivé au Rajasthan. Donc ils s'échangent les informations. Et en plus, ça leur permet de prendre contact avec d'autres Raïkas. Donc quand ils vont en ville, ils sont immédiatement identifiables, donc par leurs vêtements. Ils s'identifient rapidement. Au Madhya Pradesh, les turbans, ça permet immédiatement d'identifier qu'ils sont du Rajasthan et en particulier de Marwar, ou qu'ils font partie de la caste. Et puis la manière dont ils s'habillent les identifie également comme Raika. Donc même s'ils ne se connaissent pas, ils vont aller se rencontrer, savoir quel groupe nomade, de quelle région d'origine. Voilà, et ils cumulent le maximum d'informations pour que les informations circulent constamment. La ville est un endroit où ils vont pratiquement quotidiennement, alors pas tous, mais parfois ils y vont juste pour téléphoner, mais d'autres fois ils y vont juste pour se réapprovisionner. Et comme le réseau téléphonique est extrêmement développé, ils en profitent toujours pour que l'information circule. Donc en plus de la ville, en plus de ces informations entre campement et village, les groupes nomades, dès qu'ils sont à proximité, se rendent visite. Les leaders se rendent visite. Donc ils doivent s'entendre toujours sur la route à prendre afin de mieux profiter de l'espace disponible. Donc il n'y a pas de conflit entre groupes nomades. Ça repose vraiment sur l'entente et le réseau de caste. Donc si jamais ils sont dans une région hostile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fermiers mécontents du passage de nombreux groupes nomades, donc ils vont définir quelle route ils vont prendre et donc bien se séparer. Si jamais c'est deux groupes ou deux leaders qui se connaissent et qui sont amis et la région n'est pas hostile, il y a beaucoup d'aires de pâturage disponibles, ils peuvent rester l'un à côté de l'autre. Ça peut dépendre aussi des voleurs, la présence de voleurs ou de bandes armées. Il y a certains leaders qui considèrent qu'il est préférable d'unir deux groupes nomades lorsqu'il y a des bandes armées pour avoir plus d'hommes et donc être plus sur la défensive. D'autres considèrent au contraire que deux groupes nomades ensemble, c'est beaucoup trop de bêtes rassemblées, donc ça attire plus les voleurs puisqu'ils, proportionnellement, ils ont plus de chances d'envoler. Donc dans ce cas-là, ils vont préférer se séparer. Donc ça va vraiment dépendre des leaders. Tout ça se fait dans le cadre, toutes ces rencontres se font d'une manière très hospitalière. Donc elles ont lieu le matin. Donc les groupes, donc les leaders les leaders et les hommes des Dera, en fait, c'est les hommes de la caravane, vont s'installer ensemble. Il va avoir donc une réunion le matin. Donc, il va avoir d'abord thé. Ensuite, ils boivent de l'opium. Donc là, par exemple, ça, c'est deux leaders. Ça, c'est deux leaders. L'un donne de l'opium à l'autre. Donc là, on voit un peu plus le geste pour l'opium. Mais... Et ils mangent ensemble. Donc la convivialité requiert que le plat soit partagé, c'est-à-dire que les hommes vont manger dans le même plat, vont se partager le même plat, cette convivialité va aussi marquer les statuts. Puisque les leaders vont se partager la même assiette, les responsables de Dera vont se partager une autre assiette, et les jeunes bergers qui partent avec les troupeaux, eux, en revanche, ne participent pas au festin. Donc c'est une manière à la fois d'entretenir la sociabilité, l'hospitalité, et c'est également une manière... d'entretenir tout ce réseau solidaire et d'information qui permet le fonctionnement des nomadisations. Et donc, oui, et pour finir, parfois il peut arriver que plusieurs groupes soient dans la même zone, donc on peut, dans un groupe, il peut avoir 3-4 leaders présents. Et donc là, c'est de grandes festivités, et dans ces cas-là, les femmes, elles chantent. Elles chantent pour fêter la venue de personnages importants dans le campement. Et ça se passe toujours le matin, et en fin d'après-midi, et voilà, la journée recommence en fin de matinée. Les hommes repartent dans leur campement, et puis voilà, le campement se lève et la journée recommence. Voilà. Merci Sandrine. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions et interactions. Je ne sais pas qui veut prendre la parole.